and gossip. Time is getting red. It's getting dread. I'm gonna bring in the new world out upon way. Boy. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge de 89.3 FM, c'est ISM. Et tel que prévu, tel qu'annoncé aujourd'hui en entrevue, ici même, Louis-Jean Cormier de Carquois. Bonjour Louis-Jean. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Pas trop, ça va bien. Ça va bien? Ouais. Puis toi? Toi, la vie? Montréalaise? Rentrée montréalaise très bientôt, ouais. Exactement. Ben écoute, avant de parler de ce concert triomphal au Club Soda, qui est le 27, je crois? 27 avril, 27 ouais. avril, souhait. Rendez-vous, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on parle un peu de plusieurs sujets, ta vision de la scène locale, de votre album, bien sûr, votre carrière un peu. Tout d'abord, question un peu conventionnelle, votre premier album, plusieurs critiques l'ont qualifié de rock jazzy, avec des accents funky. Ouais. Et à comparer au deuxième, Les Tremblements s'immobilisent, où est-ce que plusieurs journalistes et critiques et mélomanes y ont vu des sonorités plus Britpop. De savoir qu'est-ce qui a motivé ce changement? Est-ce que c'est une évolution? C'est tout simplement une évolution. Vu qu'on est, comme tu dis, mélomane, on écoute beaucoup de musique. Tu t'écœures de certains styles ou certains trucs que tu as déjà écoutés. Mm-hmm. Et tu passes à d'autres choses. Puis on avait le goût de faire de la chanson francophone. Puis on trouvait que ça se portait mieux aussi avec le style un peu plus planant, atmosphérique. Puis on avait le goût de clencher vers ce style-là. T'sais, on écoute beaucoup les Beatles, puis des groupes plus jeunes comme Radiohead qu'on a déjà écouté beaucoup. Mm-hmm. Mais quand les gens nous comparent à Radiohead, c'est sûr que d'un sens c'est flatteur, puis d'un autre sens quand on a fait Les Tremblements s'immobilisent, on n'écoutait plus de Radiohead. Ça faisait quand même un petit bout qu'il avait sorti un disque. Puis ça fait que non, mais ça nous a influencé dans notre vie, puis c'est sûr que c'est de la musique qui lève, puis qui est super riche. Fait que ouais. on voulait clencher vers ça là. D'accord. Mais ça vous va bien, d'ailleurs. Mais merci. Merci. Félicitations. Justement, cet album a été qualifié récemment par Bonaparte.fm, la radio qu'on n'écoute pas, quand Plectrum joue, qui était en liste comme au titre de meilleur album de l'année. Mm-hmm. Je sens que ça vous amène une certaine pression à performer plus. Ouais. Ben non, je veux dire, c'est les critiques, bon, c'est sûr que ça peut nous encourager, je te dirais, plus, mm-hmm. parce que tu dis, bon, OK, au moins on a été écoutés, on a été reçus, on a eu une belle première impression, si tu veux. Ouais. Par après, c'est sûr que les spectacles, c'est un peu plus stressant, mais non, parce qu'on a tout le temps aimé ça, les shows, puis faire des shows, puis... On fait notre truc, tu sais, on cherche pas à épater la galerie non plus, là. On fait nos affaires, puis il y a tellement de bons bands au Québec, tu sais, ça fait qu'on n'est pas pour commencer à se prendre pour d'autres. En parlant d'épater la galerie, vous avez récemment performé à l'émission Les Mauvais Quarts d'heure sur ouais. RAC Télé. C'est peut-être parce que SCISM, c'est comme une radio universitaire pour les jeunes dans la vingtaine. Je veux savoir, c'est quoi l'accueil d'un public plus jeune envers Carquois? Ben c'est très bien. Je suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment les textes, j'imagine. Ou bien qu'ils prennent du temps pour ça, mais je pense qu'il y a de tout. En tout cas, on est capable de rejoindre un public assez large parce que la musique est entraînante. Puis elle sonne un peu sans prétention internationale. Mm-hmm. Puis les jeunes, ils ont besoin de ça. Bien souvent, ils n'écoutent pas de musique francophone parce que c'est pas assez ci, pas assez ça, ouais. tout ça. Puis je pense qu'on a une musique qui est un peu passe-partout pour eux. Passe-partout, jeune. Ouais. Et c'est sûr que pour les universitaires, c'est un peu le public premier de Carquois, si tu veux, mm-hmm. parce que ils ont notre âge, puis c'est un peu ça, mais même qu'on a un public assez radio-canadien, je dirais, ouais. d'une quarantaine d'années, c'est assez impressionnant et intéressant parce qu'eux autres, ils l'ont le 20$. Ça fait que non, mais c'est ça, c'est cool. Je pense qu'on ratisse assez large. Par un jour clair, bleu clair, trop éblouissant, le président par terre baigne dans son sang. De qui, de quoi, le pourquoi se répand, et c'est là que ça foque. Faut que je parte au plus vite, que je quitte la clique. On va vouloir ma peau, pousse à ta peau et va t'en. laissant des traces comme une bestiole, traquant mon ombre de peine et de misère. La femme du deuxième balcon crie comme une folle. Je cherche toujours la fuite et c'est encore la guerre. Une autre question conventionnelle, j'imagine qu'on a dû vous poser plusieurs fois, mais pas CISM. Vous avez collaboré avec Brigitte Fontaine sur Red Light. Comment de cossé vous avez fait pour vous attirer cette icône française? Ben, ça a été vraiment surprenant. En fait, Sandy, notre gérant, m'a appelé pour me dire « Je connais la voisine de Brigitte Fontaine, ça y est, j'ai accès. Est-ce que ça te tente d'écrire une lettre puis de donner une maquette de ce qu'on était en train de préparer? Mm-hmm. » J'ai dit, là, je riais, puis je me disais, voyons donc, ça se peut pas, tu sais. Puis à tout hasard, on lui a envoyé une lettre que j'ai écrite, puis parlant de, bon, depuis quand que je la connais, puis que je tripe sur ses trucs, puis on lui a envoyé des chansons, puis elle a vraiment accroché, elle puis son mari, Areski, qui est son réalisateur de disques depuis une trentaine d'années. Ils ont vraiment aimé ça, ce que ça a donné un... Ça a donné ce qu'il fallait qui arrive. Elle a accroché beaucoup sur la chanson Pili Pili au départ, qui est une chanson qui traite de trafic d'organes. Puis le sujet l'intéressait bien gros. Par après, quand elle a lu le texte de Red Light, elle a vraiment aimé aussi. Ça fit avec son côté un peu crado, un peu absurde, là, burlesque. C'est ça, poétique de cabaret. C'est ça. Ça fait que ça a marché. On est allé. Elle traverse pas jamais au Canada. Elle a peur de l'avion puis des transports en commun finalement. Et on est allé à Paris chez elle, dans le centre, dans le cœur même de Paris, sur l'île Saint-Louis, enregistré dans son studio, sa voix puis tout ça. Puis c'est super intéressant puis enrichissant. C'est une belle leçon de rock'n'roll parce qu'elle est assez rock'n'roll. Merci. Et c'est ça. Puis elle a vraiment bien fait ça, là. C'est comme une petite enfant, tu sais. On l'apprend. Elle est super fragile. Elle est super... C'est une fille assez angoissée quand même, là. Puis tout ça. Ça fait que... Non, c'était super cool. C'est bien. Écoute, maintenant, on va parler de toi, espèce de musicien invité. Tu t'es produit... t'as participé, t'as joué la guitare pour Diane Tell. Ouais. Et tu vas collaborer bientôt à un concert spécial avec Pierre Lapointe au Francophonie. Ouais, ouais, ouais. Nous en parler, s'il te plaît? Ben écoute, j'en sais pas beaucoup, beaucoup sur ce spectacle. Je sais juste qu'on est avec Julien Minot de Malajube et Ghislain Poirier, mm-hmm. moi-même, fier représentant de Groupe Carquois enregistré. Uh-huh. Et, on fait une espèce de show de rock. C'est la soirée rock. Pierre Lapointe, il fait comme trois soirs, je pense, au Metropolis. Peut-être plus, là, je sais pas. En tout cas, et ben nous autres, c'est ça, ils voulaient monter un band avec les musiciens de Pierre Lapointe. Un genre de band de rock qui va faire des chansons de Carquois, des chansons de Malajube, des chansons de Pierre Lapointe. Puis des chansons en tout genre, là. C'est intéressant comme concept. Ça va être très cool, très cool. Puis vous aussi, vous allez jouer à Carquois au Francofolie. Oui, ouais, on ferme les Francofolies au Spectrum le 17, je crois, 17 juin. Mon Dieu, fermé Francofolie, rien de moins. Rien de moins, mais on joue avec un Belge qui s'appelle Geronimo. Oui. Qui joue en trio assez atmosphérique, ça va être très cool. Des minots de ce monde. J'aimerais voir un peu ta vision de la scène locale parce qu'en 2005, il y a des médias américains qui ont beaucoup publicité le côté anglophone de Montréal. Ouais. Mais vous avez l'air de vous adonner à participer, tirer vos tentacules vers plusieurs groupes alternatifs francophones. Je veux savoir, est-ce que la scène est en santé? Est-ce que tout va bien? La scène est pas mal en santé, je te dirais. Puis il y a un bel esprit collectif. On va côtoyer Malajube pas mal cet été dans les festivals, comme le Festival d'été de Québec, puis les Franco, puis tout ça. Puis le Québec s'exporte aussi. Le jeune Québec s'exporte en France, en Belgique. Cet été, on se promène. Malajube aussi. Dans la revue Longueur d'onde, la dernière édition de Longueur d'onde, on en parle beaucoup. Je pense que la scène culturelle, la jeune du Québec est vraiment... La relève, finalement, est vraiment en santé. bon. Ouais, ouais. C'est rassurant. Puis toi, quel groupe, que, disons, que nos auditeurs connaîtraient moins? Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci de local? Local, ben, y a un groupe dont Julien, notre compatriote aux percussions, fait partie, qui s'appelle Power Up First. Oh oui! Qui est très, très bon. C'est des amis à nous. Sinon, je te dirais, je patauge un peu, j'écoute de tout. J'écoute vraiment beaucoup Malajube. Mm-hmm. Puis, comme tout le monde, finalement. Sinon, ben, c'est difficile à dire parce que je me mettrais à nommer plein de monde, en fait. J'écoute vraiment à temps partagé, mettons, la scène locale au grand complet. Mm-hmm. Mais je trippe bien gros sur deux gars en ce moment qui sont pas québécois du tout. Ils sont américains, mais un gars qui s'appelle Andrew Bird, mm-hmm. qui vient de Chicago, je pense. Mais ouais, c'est ça. Puis un gars qui s'appelle Soufiane Stevens. Oh yeah, Soufiane. Qui est vraiment très, très, très, très bon. Ouais. Et ça occupe pas mal de mon temps de ce temps-ci. J'aime bien ça, sa musique. Ça écarte quoi? ouais. Écoute, justement, Louis-Jean, 27 avril au Club Soda. Ouais. Vous allez rentrer montréalaise, un setting de la mort. Pour les quelques malheureuses âmes qui n'ont jamais vu Carquois en concert, à quoi ce public vierge doit-il s'attendre? Ça va être un show haut en couleur. Je dis couleur parce que c'est un des premiers shows qu'on fait avec gros setup d'éclairage, ouais. et projections vidéo. Ça va être assez intéressant pour les yeux. Et pour les oreilles, ben, c'est une grosse dose de bruit, mais bien agencé, je dirais, bien fignolé, tricoté. On fait beaucoup de shows de ce temps-ci, puis ça nous permet de roder justement cette rentrée-là montréalaise. L'album est assez représentatif du son du spectacle, parce qu'on a traqué l'album en live en studio, tous les gars ensemble. Fait que ça peut ressembler un peu à ça, mais il y a beaucoup de réarrangements, soit des nouvelles et surtout des vieilles chansons du pensionnat des établis qui pouvaient tenir la route. On en a sélectionné que quelques-unes, mm-hmm. qui pouvaient tenir la route avec le nouveau stock et on les a réarrangées. Ça donne de quoi de très le fun. OK. Et vous avez réarrangé dans l'esprit des tremblements s'immobilisent? Ben oui, puis il y en a une d'ailleurs qui commençait le disque, Hold Up, ouais. qui, elle, tenait déjà la route parce qu'elle avait un son plus... Brit, là. Mm-hmm. Mais on l'a réarrangé pareil. On s'est dit de la merde. On la change. Et ça donne de quoi de très le fun. C'est elle qui est la plus proche là, de la version originale, finalement. Mm-hmm. Parfait. Écoute, dernière question, Louis-Jean. Ben, merci, t'as fait ça comme un grand. Qu'est-ce qui s'en vient pour Carquois, outre les francopholies? À part l'ingénieur du son qui est en train d'arriver. Outre cet ingénieur de son. Qu'est-ce qui arrive pour Carquois? Oui, qu'est-ce qui se passe? Les festivals? Oui, ben c'est ça. L'été, ça va être des festivals. Puis, comme je disais, une tournée en France au mois de juillet, à mi-juillet. Mm-hmm. Sinon, c'est la tournée de spectacle à l'automne, qui est une tournée de salle, vraiment plus... Notre productrice de spectacle et notre gérant travaillent très fort pour l'automne. C'est vrai que tout cet été, ça va être... un peu comme des dates isolées pour ne pas manger notre automne, si tu veux. Mais les festivals, on fait le Festival d'été de Québec avec Malajube. Mm-hmm. La date exacte, je ne sais pas, je me rappelle plus. Il faudrait demander aux autres gars, parce que moi, je suis dans l'une, mais raide. c'est ça. Mais sinon, c'est ça, festival en chanson de Tadoussac. Puis c'est ça, on traverse en France. J'ai de la misère à élaborer sur notre calendrier. Comme je te dis, je suis vraiment perdu. Mais ceci dit, on va se rendre au bout. Ce qu'il faut. Alors, Louis-Jean, merci beaucoup de t'être entretenu avec nous aujourd'hui. Ben merci à vous. Ça fait très plaisir. Puis pour les auditeurs, restez à l'écoute parce que Carquois vont nous jouer quelques pièces pour clore cette édition très spéciale Carquois de Plectrum. Yes! J'ai tourné la tête. des indigènes, mon cœur qui frappe fort. Ça y va, coup d'état. C'est le panache au sol, c'est l'air là d'une tête. D'une tête basse et même celle qui traîne et porte le teint d'un parvenu. D'une course de rattrapage, du cœur qui tend le pas d'usage. Un va-et-vient de temps à autre, celui qui me torture et me fraude. Mais le pas inconstant, qui cherche le marche-pied, mais qui saute à temps. Le marche-pied, mais qui sont atteints. Étranger, je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, je me trempe et m'attaque. Et je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, me trempe et m'attaque. Et sous prétexte de toi. Sur le sol qui s'offre étendu là où il est permis. À quatre pattes et sur qu'elle me lance de vie. J'ai durement terni depuis nos derniers baisers. J'ai vaguement pris le temps qu'il faut pour expier. Ceux qui n'osent pas, je passe de l'autre colonne au parfum du drapeau. Je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, je me trempe et m'attaque. Et je me sens près du coup d'état. Je me dicte les actes, me trempe et m'attaque. Et sous prétexte de toi. Thank you. souffle court. Prenez ma part, prenez mon sac, prenez mon tour. Mais courez, courez toujours. Ils m'ont eu les chiens, m'ont eu d'une seule balle. Le sang dans les mains, je viens juste de comprendre. Puis j'ai mal, mais restez, restez. Jusqu'à la dernière seconde avant qu'un de nous trois défaille. Notre plan était parfait, notre coup était génial. Jusqu'à la dernière seconde avant que je jusqu'à la terre.